N.A.P. Hommes d'honneur, N.A.P. sur l'honneur. C'est juste un texte qu'on écrit pour des gens qui sont morts et ont souffert. Des gens comme Steve Biko, l'émir Abdelkader, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Toussaint Louverture ou Fanon. Le soleil se lève à l'est, j'atteste ma certitude plus. Abdelmalik, simple comme toi, je prends le bus. 14, à force de voir la mort, les idées se forment. Ils ont prôné des principes, parlé d'égalité, articulant le tout avec un pseudo-altruisme. Dire qu'ils pigeonnent le monde, un euphémisme. Combien d'hommes devront mourir et combien de martyrs pour qu'ils comprennent enfin qu'on veut simplement vivre. Mais c'est les vainqueurs qui écrivent les livres. Pathétiques se battent pour une cause, les gens en rient. Mais l'argent régule le monde, t'en as les gens t'envient. On lutte au quotidien, notre musique sort de militantisme. Mais l'ignorant veut danser, faire la fête, le reste il s'en fiche. On est des morts vivants et le pouvoir nous laisse encore. Mission messianique du nord, le sud un dinosaure. Leur justice sonne creux, pourtant l'occident se tarde. Des hommes d'honneur, juste une quête, celle du bonheur. Des hommes d'honneur, quand d'autres commettent des horreurs. Des hommes d'honneur, qui sont levés pour des jours meilleurs. Des hommes d'honneur, qui par leur combat nous font honneur. Des hommes d'honneur, juste une quête, celle du bonheur. Des hommes d'honneur, quand d'autres commettent des horreurs. Des hommes d'honneur, qui sont levés pour des jours meilleurs. Des hommes d'honneur, des hommes d'honneur. Toujours les mêmes caves, qui nous font des trucs de fou graves. Ces gens et mon dégage mauvaise onde. Ils font des choses qui viennent et font que le peuple se lève et crie. Halt et stop aux dictateurs à travers le monde. Soif de pouvoir, ils font le mal, il faut me croire. Dirige le pays d'une main de fer à la misère. Pendant ce temps, hommes, femmes, enfants, galère tout le temps. C'est triste de savoir qu'il y a des gens hors piste, mal guidés par des trucs, je peux pas dire des hommes. Ça serait comme si je disais que la merde était bonne. Mais Dieu merci, des gens se lèvent, point levé en l'air. Pour toutes les créatures subissant la dictature injuste, ils se battent pour la justice. Vous savez quoi, toutes ces personnes ont un point commun. Paix à leur âme, ils sont tous morts assassinés parce qu'ils voulaient simplement être heureux. Y'a des hommes d'honneur, juste une quête, celle du bonheur. Des hommes d'honneur, quand d'autres commettent des horreurs. Des hommes d'honneur, qui sont levés pour des jours meilleurs. Des hommes d'honneur, qui par leur combat nous font honneur. Des hommes d'honneur, juste une quête, celle du bonheur. Des hommes d'honneur, quand d'autres commettent des horreurs. Des hommes d'honneur, qui sont levés pour des jours meilleurs. Des hommes d'honneur, des hommes d'honneur. Se battre pour les siens d'abord, reconnaître les chiens premier abord. La cause toujours la même, l'argent, le gain que les mecs adorent. Cynique, le mal se met en prestation scénique. Les hommes d'honneur pour changer de condition, c'est prophétique. Maintenant les chaînes sont brisées, mais l'esclavage est mental. C'est pour ça qu'à travers la France on rappe sur instrumental. Les choses ont changé certes, mais on parle en pure perte. À cause d'un faciès, un procès tu prends perpète. Aujourd'hui tout se tient, même le lâche se maintient. Mais le témoin se transmet grâce à un effort olympien. Combien d'haineux en freine sont que des gens frileux qui craignent le changement, garder les avantages pour eux. Peureux, chaque chose doit rester à sa place. T'avances à compte court, une balle entre en place. Les violons symbolisent les pleurs des gens qui ont trop souffert. Quand tu penses à ceux qui donnent leur vie pour nous derrière. Y'a des hommes d'honneur, juste une quête, celle du bonheur. Des hommes d'honneur, quand d'autres commettent des horreurs. Des hommes d'honneur, qui sont levés pour des jours meilleurs. Des hommes d'honneur, qui par leur combat nous font honneur. Des hommes d'honneur, juste une quête, celle du bonheur. Des hommes d'honneur, quand d'autres commettent des horreurs. Des hommes d'honneur, qui sont levés pour des jours meilleurs. Des hommes d'honneur, des hommes d'honneur. Ayant changé notre état juste parce que notre sang coulait. Si on peut le dire maintenant, c'est parce que d'autres sont tombés. Aujourd'hui tout est acquis, la jeunesse n'a donc plus d'avis. Pourtant le mal poursuit, c'est malheureux, la mémoire oublie. Ayant changé notre état juste parce que notre sang coulait. Si on peut le dire maintenant, c'est parce que d'autres sont tombés. Aujourd'hui tout est acquis, la jeunesse n'a donc plus d'avis. Pourtant le mal poursuit, c'est malheureux, la mémoire oublie.